Yeah, yeah. Ok, ok. RGH de TO. RGH de TO. J'ouvre la force de frappe, tu peux même pas encaisser les coups. Les faux écouter sans dégoûter. Moi j'avance et ça sans douter. Bien vivant au mic, alors ne dis pas que j'y vais de mémoire. Du rap, je défends ses portes. Un gros pote chez moi, voilà ce que j'apporte. Tu vois que la dose est forte. Pourtant, c'est qu'un petit c'est sans effort. T'as eu de la chance sur ce coup que j'ai payé assez de temps pour frapper plus fort. J'ai vu pas leur morale, ils m'ont dit tôt ou tard le rap t'aura. Moi j'dis qu'avec moi c'est plutôt ce putain de pleura qui est dans sa drap. Un peu déglingué dans mon délire. Alors je kick ce qui me passe par la tête. Tu lâches pour faire ce truc. Non, je te laisse même pas les restes. Je peux être le best MC. M'en bats les couilles, tu buzz. J'fais juste ma musique si t'aimes, écoute. Sinon, ferme ta gueule. Mon gun et tes blabla, j'suis calibré, sors les pare-balles. Tu trouves mon style pas mal, normal, vite qui tabasse, faut qu'il fracasse. Prends gun et tes blabla, j'suis calibré, sors les pare-balles. Tu trouves mon style pas mal, normal, vite qui tabasse, faut qu'il fracasse. File, file, avant que j'arrive, tu défiles. Ma découpe, anonyme, ma devoir des victimes. J'y sers derrière les barreaux. Ta meuf, ta meilleure monde à dépôt. La vie, t'as vraiment galère. À la machine, y'a des gros qui vivent pour la prime. Y'a ceux qui rêvent de me liquider. Laisse-les, ils arriveront jamais à m'attraper. J'suis dans le brouillard, même en PLV. J'ai appris de jamais regretter ce que j'viens de réaliser. Mes antécédents, c'est du passé. J'ai fait pour t'arroser le cerveau. J'ai crié, tu sais plus où aller. T'arrives même plus à te la ramener. J't'ai les mets au tapé, les salons savent crier. J'veux le confirmer, j'suis dans ma bulle ou dans mon vaisseau spatial. T'inquiète, en ce moment, j'ai la dalle. J'ai les gros, j'ai les nerfs, j'ai les gros, j'ai la dalle. C'est le temps pour graver corps.